ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya sida busabye ko umuntu wese aba muri kino gihugu ko yoza arasuzuma mu muryango wiwe canke mu kibano ko atabana bari munsi y'imyaka 15 bafise ibimenyetso by'indwara y'ubukangwe canke ko atabana n'abakuze boba bafise ibimenyetso by'indwara y'agasama. Merci de rester fidèle à nos programmes. Voici le journal. Le ministre des Finances demande aux fonctionnaires de l'État œuvrant dans les institutions à statut spécieux de s'armer encore de patience. Leurs salaires corrigés leur parviendront dès que les irrégularités constatées dans leurs dossiers seront levées. Audace Niyonzima l'a déclaré ce mercredi au Palais des Congrès d'Okigobe. À l'occasion de la célébration ce mercredi de la Journée des Nations Unies, le coordonnateur résident du système des Nations Unies a reconnu lors d'une conférence de presse que le Burundi dispose d'énormes potentialités pour son développement, regrettant dans le même temps la fuite des cerveaux à l'étranger. Le développement des TIC et du secteur aérien permettra la réduction des prix des tickets d'avion en faveur des populations des pays d'Afrique australe, de l'Est et celles de la région de l'océan Indien. Ces projets font l'objet d'un atelier des médias de ces régions et se tient depuis ce mercredi à Bujumbura. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les fonctionnaires de l'État œuvrant dans les institutions à statut spéciaux percevront leur salaire corrigé aussitôt que les irrégularités constatées dans leurs dossiers sont levées. Le ministre des Finances l'a déclaré encore ce mercredi au Palais des Congrès de Kigobe dans une séance de questions orales sur le rapport d'exécution du budget de l'État exercice 2022-2023. Audace Niyonzima tranquillise ceux qui sont en ordre, qui s'attendaient à leur salaire avec la fin du mois d'octobre et leur demande de s'armer encore de patience. Les détails avec Évariste Nzikobanyana. Répondant aux questions orales au palais des congrès de Kigobe, la question de savoir pourquoi la régularisation des fonctionnaires de l'État œuvrant dans les institutions à statut spéciaux est au point mort figure parmi celles posées au ministre des Finances. La députée Euphrasie Mutedinga fait partie de ceux qui se sont adressés au ministre Audace Niyonzima. Le 1er septembre de cette année, le président de la République a sorti un décret portant régularisation des annales pour les fonctionnaires des institutions étatiques à statut spéciaux. Ces fonctionnaires allaient être régularisés avec la fin du mois d'octobre. Mais par après, un communiqué issu du Conseil des ministres est venu suspendre cette opération. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour la régularisation? Le ministre Audace Niyonzima fait savoir que cela a été dû au fait que des irrégularités ont été constatées sur la plupart des listes des fonctionnaires de ces institutions à statut spéciaux. Le ministre des Finances tranquillise qu'une commission est déjà à l'œuvre pour corriger les erreurs constatées pour que les ayants droit soient régularisés. Il n'y a pas eu de sanction. Ce que nous avons recommandé à la commission, c'est de séparer ceux qui ont respecté la mesure de gel des annales, mais qui auraient commis des erreurs dans le calcul et leur montrer comment faire le calcul. Pour cela, on va régulariser dès qu'ils auront bien fait leur calcul de salaire. Ce n'est pas la question du mois d'octobre. Ce qu'il faut retenir, c'est que le décret prévoit que le salaire va être calculé à partir du mois de juillet. Donc que le salaire soit calculé au mois d'octobre, de novembre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc c'est cet effet rétroactif qui fait qu'on fait le rappel à partir du mois de juillet. Cela étant, la Confédération des syndicats au Burundi, CSB, ayant plaidé pour la régularisation de tous ceux dont les dossiers étaient corrects avec la fin du mois d'octobre en cours. Évariste Nzikobanyana. Le Burundi dispose de potentialités énormes pour pouvoir se développer, affirmation du coordonnateur résident du système des Nations Unies lors d'une conférence de presse tenue à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies. Abdou Dieng évoque ici les experts burundais dans divers domaines, mais qui ont opté de travailler à l'étranger. Il déclare que le système des Nations Unies au Burundi reste disposé à collaborer avec le pays pour son développement, mais le Burundi doit continuer à prendre le devant pour que cela aboutisse. Suivez-le. Il faut que le Burundi, comme est en train de le faire, prenne le leadership. Je peux vous assurer que toutes les agences qui sont là parce que le gouvernement du Burundi les a invitées. Aucune agence ne peut travailler au Burundi si vous n'avez pas un accord avec le gouvernement burundais. Et tout ce qu'on fait, on le fait avec le gouvernement pour soutenir les efforts du gouvernement. Il ne faut pas attendre tout de l'extérieur. Je pense que le Burundi a les capacités aujourd'hui de construire ses infrastructures sans hésiter. Maintenant, revenir sur deux questions. Je crois que toutes les questions qui ont été posées ce matin tournent autour de ce qu'on appelle les ODD, les objectifs de développement durable. Tous, pauvreté, éducation, santé. Mais la question au Burundi aujourd'hui que moi j'ai mis sur, c'est de mettre sur la table avec le Premier ministre, avec les bailleurs de fonds. C'est une question que vous avez évoquée qui tourne autour de renforcement de capacité. Il y a des projets aujourd'hui, le gouvernement me dit, nous n'avons pas pu exécuter ce projet parce qu'on n'a pas les capacités. Moi, j'ai posé la question, vous voulez des capacités externes qui viennent ici ou vous voulez qu'on vous aide à faire revenir des nationaux burundais qui sont hyper compétents, qui sont dans la diaspora. Et il y en a beaucoup qui a poussé ces Burundais à part. Si on ne règle pas cette question, tout à l'heure on a parlé de la santé, vous savez qu'il y a plus de médecins africains en France que de médecins africains en Afrique. Et après, il se dit, je n'ai pas les conditions pour travailler ici et je n'ai pas les salaires. Personne n'a parlé des salaires. Ici, le problème qui se pose, on va faire du renforcement de capacité, on en parlait, mais si on ne règle pas le problème des salaires, j'ai peur que même les capacités qu'on va renforcer vont nous passer entre les doigts. Ça, c'est une question. On est en train de discuter avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement aussi qui doit nous dire dans quel domaine. Ce n'est pas à nous de dire, vous avez besoin de quelqu'un ici. Non. Abdou Dieng, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Burundi. Plus de 212 000 personnes ont été rapatriées au cours de la période allant de 2017 à 2022. Des chiffres présentés par la Direction générale du rapatriement et qui montrent que la plupart sont rentrés de la Tanzanie. Ils sont constitués par 52% de femmes selon le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés. On fait le point avec Oda Ndayishimiye. Les chiffres donnés par la Direction générale du rapatriement montrent que de 2017 à 2022, 212 902 Burundais sont rentrés au pays en provenance des pays comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya et la République démocratique du Congo. 154 006 sont des rapatriés en provenance de la Tanzanie au cours de ces six dernières années. 9 148 proviennent de l'Ouganda depuis l'année 2020 jusqu'en 2022. Les rapatriés en provenance du Rwanda dès l'année 2017 à 2022 sont au nombre de 35 032. Ceux en provenance du Kenya sont à 2350 pour une période de 5 ans, allant de 2018 à 2022. De la République démocratique du Congo, il a été rapatrié 12 200 personnes de 2017 à 2022. 166 rapatriés sont rentrés de la Mozambique de 2021 à 2022. Le rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés du 2 novembre 2022 parle de l'état des lieux des rapatriements depuis 2017 jusqu'à fin septembre 2022. Il montre que 204 301 personnes avaient déjà été rapatriées. 48% étaient constitués des hommes, 52% de femmes et 56% des enfants. De 2021 à 2022, 5101 enfants rapatriés sont retournés à l'école. Parmi ceux-ci, 2560 étaient des garçons et 2551 des filles. En tout, quatre provinces ont accueilli le plus grand nombre de rapatriés au Burundi. En tête de liste, la province Makamba avec 36 524 rapatriés. La province de Ruyigi vient en seconde position avec un effectif de 34 574 personnes rapatriées. Muyinga vient en troisième position avec 33 786 rapatriés. Et enfin, la province Kirundo affiche un effectif de 33 231 personnes rapatriées. La Direction générale du rapatriement montre que jusqu'en 2023, plus de 225 186 Burundais sont déjà rapatriés. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Un budget insuffisant suite aux fluctuations des prix qui s'observent, du retard dans la livraison des produits par certains fournisseurs. Voilà quelques défis rencontrés par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants lors de la présentation ce mercredi des réalisations du premier trimestre de l'année 2023-2024. Alain Tribert-Moutabazi a également déclaré que son ministère a construit un puits d'eau pour la population du quartier d'Ogissio en commune Mouha. Suivez le ministre Alain Tribert Moutawadzi. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants se réjouit de ces réalisations au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire 2023-2024, malgré quelques défis rencontrés. Il s'agit notamment du retard observé chez certains fournisseurs, le budget insuffisant suite aux fluctuations des prix qui s'observent et une lenteur dans les procédures d'octroi de marché et de décaissement des fonds, surtout pour les marchés groupés. Concernant le domaine de la gestion des ressources, nous continuons à utiliser rationnellement les ressources mises à notre disposition tout en cherchant à contribuer au développement du pays à travers l'agriculture, l'élevage et en limitant tout ce qui a un impact négatif sur l'environnement. Dans ce but, plus de 525 tonnes de briquettes de chauffage ont été produites par nos unités de production de Muzinda et Gitega afin de diminuer l'utilisation du bois dans les cuisines militaires. Pour ce qui est de l'agriculture, nous avons préparé 44 hectares pour planter de nouveaux caféiers qui vont s'ajouter aux 50 hectares dont nous disposons déjà. Envie de contribuer au bien-être de la population, nous avons construit et remis un puits d'eau à l'administration pour que la population d'Ogissio, en commune Mouha, puisse trouver facilement de l'eau potable avec 1200 à 1500 familles qui pourront bénéficier de cette eau potable. Le ministre Alain Tribert Moutawadzi. La vulgarisation de deux projets, à savoir le développement des technologies de l'information et de la communication, ainsi que le développement du secteur aérien, permettra la réduction des prix des tickets d'avion en faveur des populations des pays d'Afrique australe, de l'Est et celles de la région de l'océan Indien. Propos de Thierry Kitamoya, assistant du ministre ayant la communication dans ses attributions. Lors du lancement ce mercredi, des travaux dans l'atelier de familiarisation des médias œuvrant dans ces régions sur le renforcement de la gouvernance. Il appelle les médias à s'intéresser au contenu de ces projets pour en faire une large diffusion. Suivez Thierry Kitamoya. C'est un atelier de formation et de familiarisation des médias sur le renforcement de la gouvernance et d'un environnement favorable dans le secteur des TIC et également le programme d'appui pour le développement du secteur aérien. Ces deux programmes concernent 29 pays africains réunis au sein des organisations régionales qui sont le COMESA, la SADC, l'IGAD, l'EAC et une partie de l'océan Indien. Donc vous comprenez que ce sont deux programmes qui touchent 29 pays, donc plus de 50% du continent africain. L'objet essentiel, c'est d'inviter les responsables des médias ou du secteur de la communication de comprendre ces programmes et après avoir compris le contenu de ces programmes, permettre aussi aux citoyens de connaître ces programmes, de vulgariser ces programmes à travers les pays membres de ces organisations régionales. Ces programmes sont conçus pour les populations. Il faut que les populations sachent le contenu de ces programmes et ce sont les populations elles-mêmes qui vont participer dans leur mise en œuvre parce que ces programmes vont toucher directement les populations, que ce soit pour l'accès au TIC, que ce soit pour le transport aérien. Par exemple, pour le développement du transport aérien, on a constaté que les coûts sont chers, mais on veut que ces coûts soient réduits. Donc, si demain ou après, demain, avec la mise en œuvre de ces programmes, les tarifs de déplacement aérien deviennent moins chers, vous comprenez, c'est déjà la plus-value. Thierry Kitamoya. L'absence de programme santé mentale et de législation y relative sont des défis majeurs en matière de santé publique au Burundi. Dans le cadre de la semaine dédiée à la santé mentale, Alain-Joseph Atungimana, fondateur et directeur exécutif de Psychologues sans vacances, a demandé au gouvernement de procéder à l'intégration des services de santé mentale dans toutes les structures de soins. La législation au Burundi reste un défi parce que au Burundi, la législation santé mentale n'est pas encore définie. L'analyse de certains codes et lois institués au Burundi ne permet pas de déceler certaines dispositions sporadiques relative à la capacité et à la compétence, à la protection des malades mentaux. Si on regarde dans le système judiciaire burundais, et dans la majorité des cas, les malades mentaux ou les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent être poursuivis au même titre qu'une personne normale, alors qu'elle est pénalement irresponsable. Selon le code pénal, par exemple, l'article 12. Mais aussi, ce n'est que plus tard que le juge peut se référer ou tenir compte de l'état mental du présumé alors qu'il a déjà écopé les sanctions. Pour promouvoir le domaine de la santé mentale au Burundi, il faut d'abord la législation en santé mentale. De deux, l'accessibilité aux soins. Il est difficile d'avoir accès aux soins mentaux parce que, un, les psychotropes sont chers, deux, la distance. Troisièmement, il y a l'insuffisance en ressources humaines, matérielles, financières. Le Burundi dispose de 5 médecins psychiatres. Peu d'infirmiers psychiatres, peu de psychologues cliniciens. Il est important, au lieu de se contenter de former des prestataires sur terrain, que le gouvernement peut courir même en gras, risque de perturber d'autres activités. Il est important de recruter ces professionnels spécialisés dans son domaine. Il est important de recruter les infirmiers psychiatres, de recruter les psychologues, mais aussi de former les médecins généralistes. Nous voulons un programme national pour la santé mentale. Et ce programme va aider à coordonner toutes les activités dans la promotion du bien-être au sein des familles, au sein des communautés, au sein des services, mais aussi dans différents domaines. Alain-Joseph Atungimana, fondateur et directeur exécutif de Psychologues sans vacances. La caravane du flambeau de la paix de cette année fera sa tournée dans toutes les communes du Burundi. Elle sera lancée le 31 octobre pour se clôturer le 13 décembre. Annonce faite au cours d'une conférence de presse par Epipo Debaranyikwa, président du comité d'organisation des activités du flambeau de la paix au Burundi. La caravane partira de la province de Muyinga pour atterrir à Makamba. Et Pipo de Baranyukwa indique que pour cette 17e édition, le flambeau de la paix va encourager les populations des 5 nouvelles provinces dans leurs projets de développement communautaire. Et une peine d'emprisonnement d'une année à 5 ans et le paiement d'une amende allant de 10 à 50 000 francs burundais, tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rumonge siégeant en matière de flagrance dans une affaire criminelle ce mardi soir contre deux hommes retenus depuis lundi matin, soupçonnés d'avoir tué un autre homme de Gihwanya dans la ville de Rumonge. Une femme retenue dans cette affaire a été acquittée. Le tribunal de grande instance de Rumonge a dû procéder à la requalification de l'infraction de meurtre prémédité que le parquet de Rumonge avait retenu contre eux. Jean-Pierre Misago. Dans cette audience, Muhimpundu Joseline, Ntacyonzoba Pascal, Hervé Intwari Armand étaient au banc des accusés. Le parquet de Rumonge les accusait d'avoir commis un meurtre prémédité qui a emporté la vie à Nzoyi Saba Ramadan la nuit du 22 au 23 octobre courant. Dans sa défense, Joseline, qui a décidé de plaider seule sans assistance, a nié toute implication dans son meurtre, mais qu'elle a vu Pascal défoncer la porte menant à sa chambre où elle était avec feu Ramadan, son ancien mari, et les deux hommes ont commencé à se battre. Elle dit avoir crié au secours et a demandé pour cela d'être acquittée. De son côté, Pascal, qui partageait l'assistance avec Armand, a plaidé aussi non coupable, reconnaissant tout de même avoir foncé dans la chambre de Joseline, croyant que cette femme qui l'aidait à cuisiner était attaquée par un bandit. Armand, quant à lui, a plaidé coupable et a déclaré qu'il était ivre. Le représentant du ministère public a requis la peine à perpétuité contre Armand, qualifié d'exécutant, et 15 ans de prison ferme contre Pascal et Joseline, qualifiés de complices, à laquelle s'ajoutent 100 000 francs burundais d'amende pour Pascal, accusé de violation de domicile. Après requalification de l'infraction, le tribunal de grande instance de Rumonge a décidé 5 ans de prison ferme et une amende de 50 000 francs burundais contre Armand pour lésion corporelle ayant entraîné la mort de Ramadan, une année de prison ferme et une amende de 10 000 francs burundais contre Pascal, et Joseline a été acquitté. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Justice encore, et ce sera pour boucler ce journal. Un jeune homme de 30 ans originaire de la zone Mugera, commune Kabarore de la province Kayanza, est dans les mains de la police judiciaire depuis l'après-midi de ce mardi. Les informations en provenance de Kabarore, qui sont d'ailleurs confirmées par l'administration communale, disent que cet homme a tué son père et que les mobiles de cet homicide seraient liés au conflit foncier. Sagouye Berkmans, administrateur communal Kabarore, demande à la population qu'il dirige de saisir les instances judiciaires en cas de conflit au lieu de se faire justice. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.